Valentin, bonjour. Vous êtes amateur de musique poche? Connaissez-vous? DJ Georges. Pour écouter le meilleur du pire de la musique, allant du kitsch sympathique à l'atroce intolérable. Des vidéos, des chansons complètes, des extraits commentés, tout ça et bien plus encore avec votre DJ préféré sur les ondes de douteux.tv. DJ Georges. Le mardi à 19h30, DJ Georges, enfin seul dans son sous-sol, peut faire jouer ce qu'il veut sans risquer de se faire interrompre à tout moment par des gens. Qu'est-ce que... Non, mais là, c'est parce que je suis en train de faire la pub. Je t'avais parlé de ça tantôt. Va, rajoute des couleurs. Je vais te voir après. Oui, c'est ça. Sans risque de se faire interrompre à tout moment. Pardon. Fallait la cacher. Et quand ils vont nous en donner, là, on va la montrer avec fierté. Voilà. Your brand here. Hey. On attend les offres. Oui. On a compté tellement de bonnes jokes que vous êtes vraiment en retard. Salut, c'est Tommy qui parle pour 70%. C'est tout le temps un bonheur incroyable. Dans mon jeu, je suis rendu pas mal vers la fin. Là. Je prends des démons qui ont l'air d'être de plus en plus, tu sais, des affaires comme Quetzalcoatl pis tout, là. Pis facile. Sinon, il y a Mathieu Boudreau. Salut. Tranquille, à soir. Tranquille? Ah ouais, c'est tranquille. Moi, j'ai une couple de tape originale, là, de toi qui lis des poèmes, là, pis toi avec Michel, là, le sympathique monsieur du Square, là. Beaucoup de matériel original ce soir, ça nous fait tout le temps bien plaisir de faire de l'overtime, tu sais. Oui. Donner notre 70%, même quand c'est pas 70%. C'est ça. Toi, Étienne, travaille fort, boulot, dodo? Moi, écoute, je travaille tellement fort. Je fais tout pour essayer de rapprocher les étudiants et la ministre. J'ai fait jouer l'autre fois une toune de négocier plus fort. Ça n'a pas à date de porter fruit, mais je garde espoir. Sinon, hier, ça a l'air que c'était la fête de la Terre. Puis, il paraît que, je ne sais pas si tu as entendu parler, il y a eu une couple de personnes qui sont allées marcher dans les rues. Oui. On est allé donner des sandwichs, nous autres. D'ailleurs, on a du tape, on va voir ça aujourd'hui. FX qui offre des sandwichs à un policier, c'est quand même particulier. Ça doit être intéressant. Fait que c'est ça, moi j'ai un petit spécial terre, environnement et plan nord pour aller avec ça, évidemment. Un spécial plan nord. Spécial plan nord, c'est quoi, c'est chanté par Marie-Denise Plamondon-Pelletier, c'est des surprises. Sinon, il va y avoir Andy qui va venir nous parler de chat, c'est sûr. Andy qui est à la caméra ce soir. On a Dieu aussi qui a choisi un clip pour vous, tout spécialement. Et le film qui a été voté sur le www.douteux.org, c'est l'unique campus aphrodisiaque version française de Party Animal. C'est l'histoire folichonne d'un très folichon. Je vais en parler un petit peu plus tard. Sinon, on va être rejoint par Bruno et d'autres amis aussi, c'est sûr, les classiques. Je pense que Bernatchez n'est pas là, hein? Non, Bernatchez. Il est en train de charger une boule d'énergie humoristique, là, puis il va venir ça va exploser, là. Ouais, dans deux semaines. En attendant, embarquez avec moi, s'il vous plaît, là. Oui. Pour une histoire d'un soir, avoir envie de changer de vie. Ok, c'est assez. Non, c'est ça, c'est jusqu'à là. Tu sais, la phrase, là, elle prend une autre tournure, mais elle revient au même but, dépendamment du genre du movie. Mm-hmm. Je l'avais pas tout ce que tu disais. Ok. J'aimais ça chanter. C'est parce que vie, si est au féminin ou au masculin, okay, ouais. La phrase, après une, tu sais, une tournure okay. différente, mais elle revient à la même place. Ouais, ouais, je comprends là maintenant. C'est quand tu tues la métaphore, mais tu sais, est-ce qu'elle a mis une métaphore? Tu sais, je sais pas. Ben, peut-être à son niveau, là, ça en était une pas pire. Je sais pas. C'est une métaphore inconsciente. Ça va jaser à soir en sapristi. Sinon, on commence avec Nicki Minaj, un clip réalisé par Eric Wareheim de Tim and Eric, Awesome Show, Great Job. Juste après, il va y avoir toi qui lis un poème, Boudreau. Ah, c'est ouais. 70%. Thank you! Le 24 novembre, au Forum de Montréal, ça va être la dernière fois que tu vas te voir la vie. Amène ta mère, amène ta soeur, amène toute ta famille. Je vais te mettre dans un cercueil. Pace play, là. I really love cats. Cats. Pussies on my brain. Hang out with them every day. Give them nip, nip, and they go wild. Bad pussies like these are hard to come by. Get it on, with them on my lawn. When they claw my ass, it turns me on. I see two, three, I think that I'm stiff. I got one on my shoulder, and one they on my hip. They are my lord, lord. I worship cats. They make my sword, sword. Rise in my pants. When I get bored, bored. I grind their back. I inhale hard, hard. When they pass gas, pussies, they drive me wild. Lick one and you will smile. They make my rocket fly. Got one between my thighs. Pussies, they drive me wild. Lick one and you will smile. They make my rocket fly. I wish that I could fuck on. I wish that I could fuck on. Choking my pussy on a roof, they love that. Watching them when they make you do is so rad. Cats fuck who they want and fuck who they like. Hope that I can fuck one tonight. Eating pussy in my yard. Meow, meow, meow, meow, meow, meow. Now everybody let me hear you say meow, meow, meow. Meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow. Got puss on my head and puss on my feet. My name is Paul and I love pussy. They are my lord, lord. I worship cats. I inhale hard, hard. When they pass gas. Pussies, they drive me wild. Lick one and you will smile. They make my rocket fly. Got one between my thighs. Pussies, they drive me wild. Lick one and you will smile. They make my rocket fly. Cats up. I wish that I could fuck up. Salut. Ben, c'est le temps du poème, hein? Comme à toutes les semaines. Fait que cette semaine, le poème est dédié à une Laure ou une autre que tu connais ou que je connais. La résolution. D'aimer d'amour ne ferait la folie. Douce amitié vaut mieux qu'amour léger. Là, tôt ou tard, un amant nous oublie. Mais un ami jamais ne peut changer. Ainsi chantait la jeune et tendre Laure. L'Isis l'entend sans se décourager. Espoir d'amour vient lui sourire encore, car Laure est femme et Laure peut changer. D'amitié simple, empruntant le langage, sous l'innocence il cache le danger. Baiser d'amour, d'amitié fut le gage. Plus ne restait que les noms à changer. Je t'aime. tellement chaud, royal et majestueux. Voilà. Ah. On a vu également des souliers avec des fesses puis un petit bonhomme. Quelque d'aventure. Étienne, où tu nous envoies aujourd'hui? Oui, alors aujourd'hui, on s'en va faire le tour de la planète Terre parce que c'était sa fête hier. Puis voilà, donc je suis une journée en retard, mais c'est bon. On le salue. On salue la Terre, je sais qu'elle nous écoute à chaque semaine. Je suis sûr qu'elle écoute des si et des raies, par contre. On ira prendre un verre à soir, Terre. Donc, on va commencer par une petite chanson. Je pense que ça va de soi. On y va avec un peu de William Shatner. Abouskabutsi. Ah, oui. William Shatner, c'est qui... C'est des chansons qu'il fait? Il fait des chansons, ouais, ça compte. Ça. OK. Des chansons dans son cœur. Ouais. Donc, William Shatner, il a repris la toune Planet Earth de nos amis Duran Duran. Moi, je ne l'entends pas, mais elle joue en ce moment. Je ne sais pas si tout va bien. C'est ça que tu es branché, oui. Le fil était un petit peu trop mal enfoncé. Mais c'est pas grave, parce que le début, c'est juste un countdown de même. Ça, dans le temps, c'était viril, hein? Ouais. Pas longtemps après, ben, c'était super gay. Tu vois, hein? Ça va vite. Oh, c'est moins une leçon à tirer de ça, hein? Outside, to watch the night fall with the rain. I heard you making patterns. Fait que William Shatner, ça s'est tiré de son dernier album, Sea King Major Tom. Attends, là, je l'ai même pas entendu. Like some new romantic looking for the peaking sound. Ah, c'est pour toi, hein? Look now, look all around. C'est d'habitude, il y a comme plus de liberté avec la musique originale. Ben, la musique originale, ouais, c'est vrai que des fois, c'est comme repris plus par des chœurs. Tout ça, là, ressemble à vraiment à la musique. Can you hear me now? On parle par-dessus, là, ouais. Ça dépend de ses moments. C'est pas une qui est sortie beaucoup, hein, ça a beaucoup tourné. Mais sur cette liste-là, il y en a d'autres des bien. Disponible sur le J'ai pas fait des recherches, il est ailleurs. T'as fait ta part. C'est sûr qu'il est là. C'est sûr que tu l'as. Arrangez-vous, faites comme moi. Bon, voilà. Après William Shatner, ben, passons d'un W à l'autre et d'un extrême à l'autre avec, évidemment, ma préférée, Wing. Qui chante ici une tune de Michael Jackson qui s'appelle The Earth Song. Imagine ça. Oh, oui. C'est comme un drôle de mélange. Ben, elle a déjà pu jouer la chanson de Michael Jackson en fait. Il est nécessaire pour Wing. Ben, elle les chante comme elles auraient dû être chantées, rappelons-le. Ça commence doucement. C'est tiré de son album Wing Sings for All the Single Ladies and Raps for All the Safe, safe Parties. C'est ce qu'elle fait. Elle fait ça, c'est le même album. Tout ça, c'est le même album. C'est vraiment comme une game de Scrabble. What about sunrise? What about rain? What about all the things that you said we were to gain? What about killing fields? Is there a time? What about all the things that you said were yours and mine? Did you ever stop to notice all the blood we shed before? Did you ever stop to notice? Pour la terre, on fait ça pour la terre. The pas nécessairement des tunes faciles à chanter. Non, non, c'est ça, cette version-là est plus difficile à chanter. Ouais, ouais, ouais. Parce qu'elle chante aiguë en plus. Fait qu'elle, non, elle a pas peur. Voilà. Ah oui, je suis capable. Tout ça pour la terre, là. On est capable de faire. Le chicken noodle, pas le gars. Je suis capable de tout faire, man. Tout ça pour la terre. Dieu doit être content. On célèbre sa création. Oui, ouais, dans Nouvelle-Zélande. Non, non, ouais. La terre, c'est comme une vieille chum. Dieu, qui en rappelle, a créé la terre un 22 avril. Donc voilà. Juste avant de studio de TV. Le 22 avril, moins 4000, si on en croit les scènes d'écriture. Donc, malheureusement... Je vous rappelle que j'ai créé Wing aussi. Également, oui. Ça, c'est juste un tout petit peu après. On va s'en reparler de ça. Fait que, voilà. La Terre, malheureusement, n'est pas restée un Éden super longtemps. On est arrivé puis on a tout scrappé, nous, les humains. C'est tout de notre faute, en fait. Nous autres, on est en dehors de la nature, tu sais. Puis... Ben oui. Ah oui, on est meilleurs. Puis tout ce qu'on fait, c'est ça. On pourrait-tu faire un bébé avec Wing puis Mizar? Ça serait effectivement très bizarre. pas sûr que Wing est encore fertile. Ce serait peut-être un Wizard. Oh. Wizard of Oz. Tout, ben oui. Fait que c'est ça, moi je m'en allais dire qu'on a pollué la terre, puis comme le prouve la chanson de Jacques Desrosiers, alias Patoff, mais ça c'était avant qu'il soit Patoff. Voilà, alors pollution de l'air ça s'appelle. Ah oui, c'est pas la première fois que je l'appelle. Tu penses? Ça me semble cool, moi. En tout cas, ça se peut. Cela commence de bonne heure le matin. Toast brûlé par 2 millions au moins. Fumée d'usine, 300-400 terres. C'est nous qui arrivent, hein, sur les entrées. Mille égards du grand grand Jean Moral. J'essayons de respirer, mais en vain. Pour la chanson, ma team rend jusqu'à fin. Pollution de l'air. Pollution de l'eau. Oh, oh, oh, oh. C'est pas qu'un sanguine à faire. Je me rapproche de lui, c'est très récent, ça fait 41 ans. C'était dans le temps qu'il avait encore une crédibilité. Ah ouais? Ouais. Ben avant d'être mort. Ouais. Ça l'aide pour avoir une crédibilité. Voilà, ingrédient pour avoir une crédibilité. Il se voulait un peu messager là, en même temps. Okay. Par l'humour, il passait le message. C'est souvent ce que les gens font dans l'humour. Ah, puis c'est pas mal avant le temps aussi. Il faut pas oublier que la chasse à la baleine a été légale jusqu'en 1984. Et en 1978, l'Organisation mondiale du commerce déclarait que les océans étaient une ressource illimitée, infinie. Ah, ouais. Voilà. Ça fait pas longtemps. Je suis né en 78, fait que ça fait... 34 ans. Voilà. Hey Bruno, salut! Hey, salut! On est en train d'écouter des tunes de DJ George, là, puis là, il commence son nouveau show, puis il nous a passé un message subtil dans la pub de son show. Ah ouais? Fait que, on s'en reparlera tantôt de comment ça va. C'est bon. Commets-toi pas tout de suite à te dire que ça va bien. Bon, fait que voilà, maintenant qu'on est dans le mode pollution, ben on va passer avec à quelque chose. Qu'est-ce qu'on fait avec cette pollution-là? Eh bien, qui a la solution à la pollution pour l'environnement? C'est les amis ratons, ça doit rimer. Nul autre que... Ronald McDonald. Ah oui, lui-même. Voilà, ton sourire et mon sourire. Alors, on voit très bien ici Ronald sur la lune avec de la verdure. Parce que c'est clair que c'est là qu'il peut, seulement là qu'il peut être. On voit la Terre en background. La Lune qui s'est nettement rapprochée de la Terre. Également, ouais. Puis c'est, pour c'est peut-être dans une capsule, un biodôme flottant. Ah, peut-être. Mais il y a également, ouais, c'est ça. Puis il y a une passerelle qui part de la Terre jusqu'à lui. Puis il y a plein d'enfants en line-up. Hey, c'est spook en hostie, man! Il guide vers les abîmes du vide sidéral! Fait que, où leurs parents? Tu sais, non, c'est correct. Leurs parents, ils sont en train de manger du McDo. Ils les ont juste laissés dans l'air de jeu en disant « Amusez-vous, les enfants! » Puis voilà, ils se demandent où ils sont rendus. Donc, Ronald McDonald, lui, il a des solutions à tout. Entre autres, il propose ici de faire un grand ménage de la nature. Il y a beaucoup d'animaux dans les chansons de cet album-là, vous allez le voir. C'est la fin de tout, sauf qu'il peut... Puis, il y a un loup apeuré. Ouais, Je pensais que c'était Guy d'Or. Ronald réagit et fier relève le défi. Et voilà. Quand il y a danger de pollution, ce n'est pas le temps des lamentations, c'est le moment de passer à l'action. Ah, ben oui. Ça, c'est Ronald McDonald qui nous dit ça, on se rappelle. C'est ça. Ok, c'est bon. Ronald ne laissons pas le froid du découragement venir comme un sournois s'infiltrer dans nos rangs avec acharnement. C'est un peu militaire, hein? Livrons le bon combat. Le bon combat. En avant, en avant. Brave petit soldat. Oh, tabarnak. Raton laveur, qui gémit sur ton sort. Sèche tes fleurs, la loutre et le castor se sont mis à l'ouvrage et commencé le grand ménage. Chacun prend du service avec les écrevisses. Faut nettoyer le fond de l'eau partout, partout il faut. Lavez, lavez. Que tout soit beau. Faut faire un nettoyage et ne laissons pas le poids. Tu paraphrases un sournois. Pas directement, là. La gigue des loups, avec ça, toutes les tunes devaient être assez bonnes pour que t'aies rip, ça, c'est sûr. Toutes les tunes sont excellentes, effectivement. Oui. Mais là, j'ai amené seulement les deux qui ont rapport avec l'environnement. Chevalier de la belle humeur, là, ça, vous l'avez eu l'autre fois. Ouais, ouais, je vous l'avais envoyé sournoisement pendant que j'étais pas là. Pendant que t'étais loin. T'en as-tu une dernière avant qu'on passe à Mathieu Boudreau? J'en ai une dernière tirée du même album. Une fois qu'on a fait le ménage de la nature, il y a des animaux, je sais plus, le raton laveur, je pense, en tout cas, qui se rend compte que... Il y a une famille ici, tristement contente. Ouais, mais c'est que là, il se dit, c'est bien beau faire le ménage, mais les déchets s'accumulent, fait que qu'est-ce qu'on fait? Et la solution est, bien sûr, dans du neuf avec du vieux. Ah! La prochaine chanson sur Pour l'album. Pour répondre à l'appel des pics, vient s'enrôler le porc-épic. Ah ben oui. Et les piquants de son échine, d'ingénieuses machines, ramasseront presque sans peine chiffons et vieux papiers qui traînent. C'est bien joli tout ça, mais les déchets qui s'amoncellent, qu'est-ce qu'on en fera? Tout le problème est là. Et là! Changez-moi pour l'amour, aux faces de carême. La réponse est douce. À côté du problème, bon, c'est toujours à côté. Brassez-vous la cervelle un peu, mettez en branle le cirouage. Fallait penser au recyclage. On fait du benzine à 40. C'est là la solution, madame, monsieur. Rappelons que cet album-là est sorti en 1981. Ça a fonctionné depuis, hein, pareil. Parce qu'ils sont avant-gardistes, je trouve. Ouais, en arrière, il y a les titres des tunes. Ouais, en arrière, il n'y a pas grand-chose. À l'intérieur aussi, tu peux l'ouvrir, ça saute. Non, ben, en arrière, c'est ce qui c'est après, dans le fond. Après que Ronald soit passé, c'est le nettoyage ethnique qui est complété. Il ne reste plus rien. Il reste plus rien. Des noms de tunes. Il reste juste des clowns. Ah, les paroles pour qu'on puisse les chanter. Là, on a le manoir Ronald McDonald en coin. Puis on a la photo d'André Caillou. C'est lui, en réalité, qui chante puis qui a composé tout ça. Ben, c'est lui, Ronald? Ouais, c'est lui, Ronald. C'est lui qui a composé, tu dis? Ouais. Ah, wow. Ben, il a mis sa photo. Faut pas oublier qu'en 1981, la donne devait être autre chose aussi. Ouais, là, c'est ça. C'est quand même, ça fait 30 ans. C'était quand même une corporation qui était grandissante et bien vieillante. Bien vieillante. Ouais, c'est bien ça, bien ça a déjà existé, ça, McDo qui était bien vu. Rendu là, Paul, ça va être du boudreau, là. Ça va être du boudreau. On est rendu là. Coupe le flûteau à l'autre. Boudrouise la situation. Merci, Étienne. Nous te voyons TV, la TV des délaissés. Mais non, c'est pas une métaphore, celle-là. Ça, c'est un homme qui donne un bec à un homme. C'est quoi ton nom? C'est quelque chose qui est... C'est pas un intellectuel, c'est un ensemble. Bon, vous savez, Dieu aussi peut se tromper. Regardez la Terre. C'est pourquoi on enchaîne avec ce qui était supposé, la chronique de Mathieu Boudreau. Semaine, j'ai vu le futur. Oh, ouais. Rien de moins. Ouais, et voilà. Non, ben c'est ça. Genre demain ou plus loin encore? Non, non, le futur, là, demain, après-demain, tous les jours après. Ah, ok. Jusqu'à maintenant. C'est comme là, je l'avais vu déjà. Donc, dans le temps, ouais. T'as écrit ça, ouais. Je veux pas commencer non plus avec ça parce que c'est l'infini, hein. Tu l'avais vu qu'il allait se tromper. Tu l'avais vu que tu dirais ça, par exemple. Hey, les gars! Ben oui, absolument. Puis là, je l'avais vu. On a passé son générique, là. C'est vrai. On va surfer sa vague à lui. Ah, là, on est dans le futur. J'ai vu des planètes, j'ai vu des voyages, j'ai vu des guerres, la mort, puis de l'espoir. Deux, trois fois, j'étais certain que le héros, c'était Mel Gibson. Non, mais tu sais, c'est vrai, un doux mélange de Mad Max puis de Cœur Vaillant. Là, genre du monde en kilt qui se battent pour des ressources dans un monde post-apocalyptique où des méchants anglais avec des costumes vraiment pas très beaux puis des coupes de cheveux années 80 vont venir faire des misères à un groupe de survivants gentils et bons. Moi, je vois ça comme ça. À chaque repas puis qui sont contents. Ouais, ben c'est ça le futur. Ça a l'air le fun. Finalement, c'était-tu Mel Gibson? En fait, je pense que c'est l'image que je projette de moi de même, de moi et de Mel Gibson, en fait. Okay. Ben, c'est parce que je suis passionné. Hein? Fait que, ben, c'est ça. Puis dans mon aliénation, dans ma passion, j'ai vu que l'argent allait tomber. C'est fini. Les gens vont se retourner vers le partage, puis ils vont faire des jardins pour tout le monde. Ça va être fif dans le futur. Sous les ordres de Mel Gibson. C'est fif. Non, c'est justement ça, c'est vraiment trop fif, puis c'est une joke. Okay. C'est pas vrai. Tu m'as fait peur. Ouais. Ouf. On va peut-être manger du beef. C'est pas drôle, le futur, tu sais. Non, ça, c'est ça. Non, c'est vraiment pas drôle. Tu sais, il va y avoir du feu puis du sang. Des guerres de religion puis du pillage. Tu sais, c'est comme ça. Plein de gens vont mourir dans l'indifférence, puis les serpents vont régner une dernière fois. Hein? Ça me parle au présent, ça, non? Ça, je t'ai dit. Pas ouais, drôle, le futur. Non, ça, ouais, je suis d'accord. L'ère de la robotique sera, tu sais. Ah oui, c'est vrai, il y a ça. Moi, j'ai vu que les humains allaient s'androïdiser. Puis ça, c'est un mot qui n'existe pas. Déjà? Mais qui n'existe pas encore. Parce qu'il va être inventé par un... J'ai vu ça. Par un mathématicien. Non, c'est pas moi qui... Moi, j'ai vu, hein. Moi, j'étais un canal, tu sais. Okay. Normand Lamour. Bon, ouais, t'es dans le futur, tu nous parles du futur. C'est exactement ça. Non, c'est un certain... C'est un Simon Benoît qui va inventer ça, lui, ce mot-là. Mais malheureusement, ça va être mis à la mode par Herbie Moreau, puis sa gang de rêveurs de la vie des autres de Chris. Fait que là, ben, ça va scraper le concept, puis le monde va penser que c'est une joke encore plus longtemps. Mais ça va arriver. Hein? Anyway, les Chinois vont nous vendre leur cochonnerie bien avant que les Québécois puissent inventer des êtres mécaniques sans conscience qui obéissent aux doigts et à l'œil de leur maître. Hein? Puis en même temps, je check les policiers ces temps-ci, tu sais. Puis je me dis, il doit y en avoir une couple, tu sais, qui dorme moins bien, là. Tu sais? Hein? Tu sais, non, mais genre des rêves où tu fesses ta famille, tu sais. Tu pètes du monde, puis à un moment donné, t'en pognes un comme il faut, mais tu te rends compte que c'est toi, puis tu te réveilles en sueur. Tu sais? Mais c'est bon, ça. C'est vraiment, c'est très, très, très, très, très bon, là. Pour les pharmaceutiques. C'est vrai. Mm-hmm. Ouais. Parce que à quand le syndrome post-traumatique du carnage des étudiants de 2012, tu sais? On le souhaite pas, mais tu sais. Ça s'invente cas, vite. Il pourrait avoir une pilule en plus pour nos jeunes québécois. Mm-hmm. Ouais, ouais. Ben ouais. On en a déjà pas pire des pilules pareil. Moi, des petites jaunes, des petites rouges, des petites bleues. Hey, te mélange-les pas. Ben, j'ai déjà essayé de les mélanger, puis je me suis ramassé à l'hôpital. Puis c'est une fille de 23 ans qui a changé ma couche. Fait que. Je pensais à Aline Beauchamp aussi, tu sais, là-dedans. Parce que. Ouais. Tu sais, elle doit commencer à penser à ce qu'elle va faire plus tard, elle, tu sais. Elle peut peut-être commencer à mettre à jour son CV. Elle était quoi avant? Je pense qu'elle était ministre du développement durable, de l'environnement et des parcs, tu sais. Ouais. Puis là, je veux faire une parenthèse. Déjà, dans le nom, là, dans le titre, on se fout de ta gueule, là, c'est clair, là, tu sais. Je veux dire, tu sais, développement durable, c'est une belle manière de dire n'importe quoi. Je suis vendeuse au Best Buy. Dis que je suis vendeuse au Best Buy. Ben oui. Puis l'environnement, puis les parcs, je sais pas si je t'apprends de quoi, mais c'est la même chose. Ben, si tu t'occupes de l'environnement, puis qu'on conclut que les parcs qui sont supposés être de l'environnement préservé, je pense que même. C'est dur de. En tout cas. C'est difficile, tout ça. Change pas de main, je vais venir, man. Mm. En tout cas, ben, fin de la parenthèse. ben, ils vont pouvoir la nommer au conseil d'administration d'une belle grosse firme spécialisée en décalissage de paysages. OK? Ça, c'est quelque chose qui fait de l'asphalte industriel, mettons. Là, t'sais, ouais. T'sais, mettons, tu sais. Un genre de béton HET Inc. T'sais. Ça, c'est non, mais c'est intéressant, ça, parce que, en passant, moi, je suis écœurant tabarnak, OK? Je suis écœurant en esti du monde qui crisse du béton partout. Tu sais, il y en a un qui dit que c'est beau. Tout de suite après, il y a un cave qui dit non, non, on met un parking puis un Walmart. Parking, ouais, ouais, ouais. Exactement. T'sais. Un esti de Walmart. Hein? Ça prend un parking pour que le monde vienne voir que c'est beau. Ben oui, c'est ça. C'est ça. Parce que ça commence tout petit. T'sais. un moment donné, au début, il n'y a pas de béton, là, c'est clair. Là, c'est à terre, t'sais, la la nature. Sol. Ouais, ben, on n'aime plus ça. Ça. Non, ça, hein. C'est sale. Ça. Là, il y a 2, 3 chars, 12, 15. T'sais. C'est anyway, puis là, ils mettent un Walmart après ça. Hein. C'est, ouais, ben, c'est là c'est qu'on on colonise. Ouais. Exact. Ouais. C'est comme de la terraformation. Puis tu sais, un Walmart, t'sais, c'est un chiffre de 420 milliards par année. T'sais. 16 milliards de profits. 2,1 millions de salariés, puis 20 millions de clients tous les jours t'sais, à travers le monde. Mm-hmm. Associés. Ça en fait beaucoup des chiffres. C'est vrai. Des approximatisations. Des affaires qui veulent rien dire. Quand absolument. Tu remets ça en contexte. Fait que moi, mon conseil, tu sais, c'est ferme ta gueule, tu sais. Parce que, ferme ta gueule, parce que, anyway, si tu dis que quelque chose est beau, ils vont crisser un Walmart dessus. Fait que, ta gueule, tu sais. La beauté, en tout cas. Faut que tu tues tout le monde qui sont au courant. Absolument. Puis aussi, je pensais à Jean Charest là-dedans, tu sais. Ah, boy. Puis je me disais, tu sais... Mel Gibson, il a conseil. Moi, je trouve qu'il est beau, Jean Charest. Je veux juste dire ça de même. Tu penses qu'il y ressemble? Je veux qu'il fasse un Walmart dessus. Ouais! Ben, en fait, c'était mon conseil puis mon punch. Ah, ben, tu sais, en fait, je me disais, tu sais, qu'est-ce qu'il disait avant, Jean Charest? Il disait, j'ai les deux mains sur le volant. Hein? Ouais. Il disait ça, tu sais. Ouais. Ben, moi, je veux savoir, c'est qui va reconduire. Puis où surtout? Puis où? Puis ben, quel genre de volet? Ben oui, mais c'est ça! Puis probablement dans le nord, hein? Ouais. C'est ça. Ça a l'air clair. Fait que là, ouais, ah ouais, tu sais, hein? La pointe. Ah ouais, donne le peu qui reste sa terre aux estis de vautours sages, hein? Ah ouais, ils ont faim, Jean. Puis c'est toi qui les nourris, Jean. Fait que vas-y, hein? De toute façon. T'es beau comme un cœur, puis on t'aime toute la gang. Puis on va continuer à se vendre de la mort en cochonnerie Made in China's Children, puis tout le monde va l'être content, hein? Parce que c'est ça qu'il faut faire. On va regarder la mort s'accumuler, hein? Check bien ça, Jean. On va en chier du métal, puis du radioactif. Les machines vont travailler jour et nuit. Les douchebags, là, ils vont rentrer fatigués, mais contents de la journée. C'est pourquoi? Parce que Molson salue les vrais! Yeah. Exactement pour ça. Et oui, là, je tiens à dire quelque chose. Là. Je sais pas si t'étais au courant, mais les douchebags de les, en fait, j'ai raté ma phrase. Les serviteurs de demain, OK, sont les douchebags d'aujourd'hui. Hein? Sont... Non, mais c'est vrai. Pis, c'est une évolution. Moi, je veux pas faire chier... Personne, tu sais, mais. C'est ça, c'est sa pierre tombale. Tu sais, il faut juste les voir autour des bars les jeudis, les vendredis, puis les samedis soirs. Le monde s'en fout. Le monde s'en fout. Ils sont exaltés, aliénés, tu sais, ils sont en mode tout est permis, hein. Tu sais, comme dans les films. Parce qu'ils n'ont rien que vu ça, les films, tu sais. C'est important. Ben oui, c'est ta référence quand t'es doux. Et voilà, je pense. Et voilà, tu sais. Partez toutes les fins de semaine. Ça devient rapidement une vérité. Et voilà. Oh, bien, je suis tanné, c'est fini. Ben non. Bon, oui. Non. C'est fini. Ah, tu veux que j'en fasse encore un bout? Oh oui. Ben, le futur, ça me fait vraiment chier. Là. Bon, ok, depuis longtemps. Pourquoi ils sont aliénés comme ça, les douchebags? Pourquoi? Parce qu'ils sont pas challengés de la bonne manière. C'est ça. C'est dole en tabarnak, 5 jours semaine à te faire chier 40 heures semaine d'un job que tu voulais pas parce que, anyway, toi tu l'as pris parce que ça prenait un an à faire ce cours-là, tu sais, hein? Pis que t'avais 23$ de l'heure en commençant pis que tous tes chums étaient là-dedans. C'est pour ça que t'es malheureux, tu sais, allume. Tu te connais pas toi-même. Comment est-ce que tu veux connaître les autres? Les battants au pit avec des meilleurs marchepieds chromés. Bon, ok, gars. Depuis longtemps, tu sais, on engraisse ces idées-là. Tu sais, on va s'androïser. Hein? S'androïdiser. Non, vas-y, ben, c'est ça. Le mot est pas encore officiellement inventé. Ouais, ben moi j'ai vu quelque chose, tu sais, je vais le réinventer comme je veux, tu sais aussi. C'est mes images, là. Donc, tu sais. Et voilà. La robotique, ça va nous aider, tu sais, on va pouvoir plus vite s'amuser, hein, tu sais, le plus de loisirs possible, tu sais. Oh, je suis tanné pour... Mathieu, tu vas-tu me faire un câlin? Attends, regarde. C'est oh, fini ta chronique, là, ça a bien été, on était plein hier à la fin. C'est bon, c'est bon. Tu vas jouer une... Ça s'appelle Ode à la race. On va s'en aller écouter Attends, j'ai pas fini là. Hier, on était quoi, 250, 300 000 personnes, tu sais. Puis on a décidé de changer le monde tout en même temps, tu sais. Moi, j'ai espoir. Puis c'est pour ça que je continue, tu sais. Manière, si nous autres, on le change pas, il y a personne qui va le changer. Ouais. Check ça, on va aller écouter une toune. Merci beaucoup, Mathieu. C'était très, très senti et plein d'émotions. Ça a été tout récent. C'est Stéphane Méthotte, l'ancien voisin, qui a fait la chanson qu'on s'en va écouter. C'est très pertinent aussi. Ben, moi, je t'aime, là. Moi aussi, je t'aime, Mathieu. Ouais, merci okay. de nous parler à cœur ouvert et tout. Ça va être le printemps des Québécois. Ça va être 100 000 ou 200 000, dépendant de quel journal tu vas lire. Parmi les visages enlevés dans la nuit, on fuyait les regards pour masquer tous les cris. La lune fracassait l'eau sous la lumière. En plus loin qu'hier, pour oublier le galant. Le feu s'éteint, le ciel qui se rallume, jusqu'à la fin oubliant les bitumes. Les étoiles se cachaient sous les nuages, l'ambiance était pure comme le reflet de nos visages, le reflet de nos visages, le reflet de nos visages. Les occupants de toutes les générations, les habitants de tous les environs, les manifestants d'aujourd'hui se battront toute leur vie. Sur les rochers, mais dans la main, comme une chanson qui n'a pas de fin. À jamais, nous resterons des copains, comme une histoire sans fin. Un peu d'imaginaire dans l'ordinaire, la naissance sans influence, malgré la pression de la société, du marché monétaire. Les occupants de toutes les générations, les habitants de tous les environs, les manifestants d'aujourd'hui se battront toute leur vie. Les occupants de toutes les générations, les habitants. On sait que les étudiants vous vous lèverez pas, mais je pense qu'aujourd'hui, cette personne-là a avalé ses paroles. Nous irons jusqu'à la grève générale illimitée pour renverser le rapport de force et faire reculer le gouvernement. Cette semaine, Xavier Dolan fait son fendant à nouveau. C'est pas arrivé souvent. À Cannes. Cette semaine, Gala Artis. Oui. Oui. Vous avez écouté, hein, le Gala Artis? Non. Non. Véro et Guy, je l'ai couronné. Donc. Ah ouais, c'était Véro et Guy. Oui. Bah, ça va bien. Le séjour nous avait rappelé que Charles Lafortune avait perdu 36 livres. C'est vrai. Oh. Spécialement pour le gala artiste. Mm. Artiste. Ben, j'espère qu'il va refaire sa bibliothèque parce que là. C'était pour qu'on l'écoute, je pense. Il disait qu'il était au sommet de sa forme. Stephen Harper apprend une nouvelle expression. Tasse-toi, mon oncle. C'est bon, on va sûrement s'en servir souvent. En fin de semaine, je sais pas si vous avez vu ça, la plus grosse game de Où est Charlie? Ah oui. C'était la deuxième en deux mois. Un LARP de Où est Charlie? Oh, oh, oh. Je cherche Charlie. Charlie. Il est là! Si vous l'avez vu. Je l'ai vu, il est là. Gagné une licence Sentra. Une fille qui est contente avec de l'argent. Ça, c'est rare. Un petit chien va au couche-tard. Hein? Voilà. C'était la première fois. C'était jamais arrivé avant. C'est étrange, quand même. Donc ça, c'est un ours polaire, là. J'ai trouvé ça. Dans des fesses. Il en reste au moins un, donc. Ben ouais. Ouais, il en reste au moins un. Malgré tout ce qui s'est passé dans les dernières semaines, Jean Charest, tout est sous contrôle. Oui, donc, clairement. Ah, voilà. Il y a les deux mains encore sur le volant. Oui, monsieur. Ici, un des employés de Jean Charest. Mm-hmm. Qui démontre en train le contrôle. D'aider un simple citoyen. C'est ça. On en a d'autres qu'ici, donc. Ah oui, hein. Mm-hmm. Ça s'est passé beaucoup. J'ai vu beaucoup d'images comme ça les dernières semaines. Mm-hmm. La Corée du Nord lance une fusée longue portée. Oui, c'est pas un missile. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Ils nous l'ont bien dit. Oh, oui. Et j'ai pu percevoir, en fait, que c'était la Coupe du monde du tir de fusée. Donc, l'Inde capable de viser la Chine. Je ne sais pas si ça a un lien. Peut-être là, la solution. Voilà. Je ne sais pas, ça donne combien de points pogner la Chine. Ça va être pas pire, quand même. Ah ouais, c'est bien, c'est gros, tu sais. Je vois des grands titres qui voulaient dire beaucoup de choses cette semaine. C'est 4 unités. Ça est la chose. Mm-hmm. Donc, voilà. Ouais. Pas mort en vain. Ouais, ça, c'est une dans des fesses. Ma jambe ne repoussera pas. Non. Dans des fesses. Il vient de l'apprendre, c'est triste. Martineau parle des vraies affaires. Dans des fesses. Vous pouvez lui écrire en toute confidentialité à l'adresse qui suit. Mm-hmm. Donc, gênez-vous pas, hein. Mon grain ne tolère pas l'injustice. Non. Ben, c'est sûr. Donc, donc, il a quitté LCN. Ouais. Richard Martineau l'a tolère, lui, on me dit. Oui, ouais, lui, il est pas ça. Assez bien, là. On lit souvent. On regarde les journaux, hein, puis on a l'impression que ça va mal dans le monde, que tu sais, c'est toujours des mauvaises nouvelles. Ta-da. Mais regardez, j'en ai trouvé des bonnes. La magie du quotidien. Ta-dam! Ça peut être la magie noire. Hein. Célébrer la vie. Ah, voilà. Ouais. Des bonnes nouvelles. Les séjours s'allongent. Bon, ça dépend où, par contre. Là. Dans des fesses. Deux ex-conjoints se poignardent. La meilleure du journal gratuit. Un clown au Vatican, donc ça fait quelques semaines, profitant de la prière quotidienne au Vatican, un clown vêtu de bleu s'est rapproché d'un groupe de religieuses afin de les faire rire un peu, avec succès d'ailleurs. Ouais. Le pape, il se sent-tu menacé dans ce temps-là? C'est donc bien qu'on sent tabarnak, ça. Ah, il y a une fille qui est contente dans la TV. 46 pouces. Ouais, 46 pouces, tu as dit à la face. Fais des pouces. L'art d'interviewer. Donc, on apprend dans cet article que l'art de bien interviewer consiste à hocher la tête vers la droite et à sourire comme un épais. Oui, c'est... Le non-verbal, c'est important. On a appris une grosse nouvelle. Coup des F-35, Ottawa savait. Ouais, ça, ouais, c'est juste sympathique. On a vu aussi Marie-Chantal Toupin qui essayait de prendre une photo. Hein? Donc, il y a quelqu'un qui a pris ça en photo. Oui. Mario Lirette se fait prendre en photo lui-même, donc lui, il sait comment que ça marche. Il vieillit bien, cet homme-là. Hein? Oui. Donc, ça, on en parlait dans les journaux, ça a l'air que c'est nouveau, donc il y a des gens dans le métro. Ouais. Il y a des le point sur les bombes beauté. Ouais. OK, ouais. Donc, tu t'es expliqué maintenant. Claude Dubois. Avec un chandail écrit « fuck » dessus, dans l'article, Claude mentionnait que personne ne l'empêchera de porter des chandails avec des jurons écrits dessus. Ouais. Il est resté rebelle. Ouais. Ils n'utilisent même pas les bons beautés. Se diversifier ou mourir. Magic, la belle image. Donc, il y a des gens en Syrie qui ont décidé de mourir à la place. Voilà. Ils ne sont pas diversifiés, en fait. Ouais, bon choix. C'est chiant, se diversifier. Hey, on est tellement sérieux, mon meilleur nouveau chum. Ah, alors, ben, c'est correct, ça change souvent. Les Canadiens continuent de s'endetter. Ouais. Ah oui, Canadiens de c'est que j'avais entendu la semaine dernière, en fait, que les Canadiens étaient endettés à 1,48 pour chaque dollar. Donc, ça a l'air que ça a monté à 1,50, puis là, ça a l'air que cette semaine, c'est 1,53. Donc, lâchez pas, les Canadiens. Ça suit pas mal le prix de l'essence, on dirait. Ça vieillit bien l'économie. Hein, c'est... Ah, ouais. C'est fou. Extra, extra, ouverture du cinéma Céline Dion. Oh! Que du Céline, 24 heures sur 24. Chagrin ne doit pas plier devant les étudiants. Donc, ça, c'est. C'est facile. C'est supposé d'être ça qui arrive. Joseph Facal. Stephen Harper qui réduit l'aide des pays en développement de 7,5%. Ouais, fuck them. Il y avait juste à se diversifier. J'ai trouvé une petite fille contente. Ouais. Donc, c'est assez... beau, hein? L'innocence. Mmh. Mmh. Ouais. Tu viens de mettre l'innocence sur le cul. Mais oui. 2% des enfants fument dès l'âge de 4 ans en Indonésie. Mmh. Ça va bien là-bas. On a ici Hardy qui fume 40 cigarettes par jour. En fait, il fumait 40 cigarettes par jour et il est décédé. Il a décidé d'arrêter en mourant. Le jeune est décédé. Non, non. On rit avec le jeune décédé. C'est exactement ça. Un géant brésilien s'intéresse au plan Nord. My God. Hey. Oh! Ben, que c'est... Ce soir, c'est dans le lot. C'était Green Giant, je me disais. Ouais, il est peut-être vert. Le roi des impôts. On a le goût d'y envoyer nos papiers. Hein. Il était dans le journal gratuit. Je suis pas sûr, il était dans, je pense, un autre journal. Ah, ben non. Non, mais c'était une publication gratuite de lavage, quoi. Ah, ok. Donc, publié par Transcontinental. Time. Donc, je veux voir ça. 10 000 exemplaires distribués gratuits. Grande nouveauté, un animateur différent chaque semaine. Oh, ça va être Dieu, bon. Merci. Ouais. Mmh. Ça vieillit bien, cette émission. Oui, ça, c'est... ils ont vraiment pas fait le tour. Là. Non. Roger Brulotte, qui nous esquisse un petit sourire coquin, il nous parle de la Coupe Dodge. Hey, je travaille pour la compagnie qui a pris mes casquettes. Pierre Bruno. Ah. Il est encore là? Contrairement à son fils. On apprend que Odile et Dave toujours ensemble. Oh, donc, ils sont toujours amoureux. Coupe finaliste de la dernière mouture d'Occupation Double. Ils sont encore ensemble, il paraîtrait que... Et toujours dans la thématique couple, Marie-Ève Janvier et Jean-François Brault, un couple presque parfait. Mm-hmm. Ben, oui, meilleure chance la prochaine fois. S'il faisait pas de disque, là, ça serait, il l'aurait. Là. Ah oui. Travail à la maison. Bonjour les distractions. Ouais. On apprenait dans l'article, en fait, que... Tenir un bébé et une spatule en même temps qu'on parle au téléphone donne l'air bête. Pendant qu'on se fait interviewer par un journaliste. Priorise, man. Une présentation du roi des impôts. j'ai appris dans le journal gratuit aussi qu'on n'achète pas un animal comme on achète un chocolat. Non. Oh, nice. Ben voyons c'est donc, pour vrai... On peut pas faire de la fondue avec un puis animal. On peut pas les fumer. On est allé voir la semaine dernière Titanic 3D. Donc la 3D fait d'un grand film un film encore plus grand. Ouais. Est-ce que t'en as encore pendant 20 minutes, s'il te plaît? Non, j'achève dans la même veine du Titanic le menu du dernier repas servi sur le Titanic adjugé à 122 000 $ seulement. Hey, c'est ça qu'on s'en galisse? Hey, je dois vous parler d'un grand film qui est sorti à l'écran. Le meilleur film d'action depuis des décennies. Oh. Pas des dernières années, des décennies. Pas mal l'histoire du Donc, voilà. cinéma. Ça s'appelle Shootout Brandon Redemption. Manquez pas ça. Je vais vous laisser, en fait, peut-être sur, fidèle à ma tradition, sur une photo de chat. Voilà. Ah, oui, oui. Manquez juste ça. Merci. Une chance. Merci, Fred. Des photos de chimpanzés pour vous autres la semaine prochaine. Oh, oui, j'ai déjà. Oh, oui. Mais est-ce que tu as une photo d'un chimpanzé avec un chat? Moi, je dormirai pas. Non, mais je vais mettre les deux en même temps. Hey, ça veut dire qu'on s'en va parler du film là-dessus. Merci beaucoup, Fred. Ah oui, c'était super. C'était Ben, c'était bien épicé, merci Étienne. Ça fait plaisir. C'est important de parler de Richard Martineau et d'Éric Duhaime. Le plus qu'on peut. Le plus qu'on peut. Bring la bonne presse, y aller pour l'avenir. Hein. Capitalisons sur le fait que c'est les gaffes à d'autres puis que c'est pas notre dette. Il ramène le con dans le conservateur. On retourne vers un film un peu plus classique. Ce soir, on parle de Party Animal, version française. Campus aphrodisiaque. C'est un film de David B-E-A-I-R-D. Beard. Beard. Beard. Vous allez remarquer, en 1985, il y a les Buzzcocks, c'est un band punk, là, ça avait bien de l'allure. Là. Ils participent pas mal à la trame sonore, c'est eux autres qui font la meilleure tune. On retourne vers un film un peu plus classique, donc rempli de séquences semi-classiques. Vous allez voir, il y a une séquence qu'il y a comme un vibrateur, que c'est un gros missile à la place. Ah! Ah, oui. C'est drôle, là! C'est comme une métaphore. Ah! Un peu. Ouais, mais il manque le deuxième niveau à la métaphore ici. Ouais, c'est ça la comédie folichonne, dirais-je, un enchevêtrement bien serré de séquences au perpétuel relent de déjà-vu, inspiré et inspirant on ne sait quoi à on ne sait qui, dont ne sait où. Le folichon, c'est une facette noire que l'on a tous en commun. C'est une zone floue où se réunit la nostalgie de l'adolescence, l'ironie de la vieillesse et notre amour pour le cul et l'humour incarné en un univers caricaturé et filtré au cabochon. Premier niveau. Le ton d'un folichon est toujours burlesque et osé, plutôt que philosophique et porn. Oh, et ça finit tout le temps très, très, très bien. Même souvent, le méchant, soit qu'il est puni une dernière fois de manière légitime, soit qu'il se pogne la fille qui était son subsidre et que finalement, ils étaient bien ensemble depuis le début, mais qu'il avait pas vu ça, puis que le film devient une exploration pour lui. Dans un tel contexte, on comprend que le héros du film folichon est un héros viril classique du cinéma hollywoodien. Non, le héros du film folichon est soit un charmeur hors de contrôle, homologue d'Arsène Lupin qui vit selon sa morale que l'on sait droite et juste, un héros cool, moderne, qui assume sa célébrité et qui distribue châtiments appropriés au détriment du respect de l'autorité. Mahoney, Dave Marshak de la patrouille... Mahoney, c'est Police Academy. Ben oui. Dave Marshak de la patrouille de ski, le héros dont j'ai oublié le nom, débranché du bayou, et d'une certaine manière, même Val Kilmer en Nick Rivers dans Top Secret représente, puis d'ailleurs, c'est pas mal son meilleur rôle avant de faire John Holmes au tournant 2000. Ça a bien été Val Kilmer, pareil. Ouais. Ah, ouais. C'est grand film. Qui s'appelait Nick Rivers. Ouais, c'est... C'est en rapport avec Dick Rivers? Ou... Je ne sais pas. Je ne penserais pas. Ben, il faisait du rock'n'roll repris. Hein. Faudrait mener l'enquête. En tout cas, hein, on s'en parlera. Là-dessus, soit que t'es le héros viril charmeur, ou soit que t'es deux, le héros qui est comme le héros des tronches, là, c'est-à-dire un poisson hors de l'eau, un élément renégat, lire vierge, qui se doit de rentrer dans la moule, lire fourré. Le film servira au travers de l'exploration de tous les stéréotypes à la mode de l'époque, au niveau de l'adolescence, bien sûr, à fournir le moule idéal à l'insertion sociale du héros. Littéralement, tu sais, le moule que le héros perd sa virginité, c'est important. Vous l'avez compris? C'est bon, hein? Je fais ça, moi, des fois. La séquence de la tarte dans American Pie, c'est d'ailleurs une affaire que j'aime beaucoup parler, parce que c'est comme une affaire qui ressemble à ça, parce que c'était pas mal un cabochon au premier niveau dans un film qui se voulait un petit peu folichon, tendance adolescente. Mettons que tu veux te branler dans quelque chose. Mettons que tu essaies de mettre des patates pilées tièdes au micro-ondes dans un bas. Mettons que tu vois la tarte qui est sur la table de la cuisine, puis tu te dis, moi, essayez de la fourrer. Quel adolescent, en voyant la tarte, se ramasse assez horny pour oublier que n'importe qui peut rentrer, tu sais, qu'il s'en va pas dans sa chambre, la porte barrée, pour essayer... Non, non, lui, il baisse ses shorts, il monte sur le comptoir de la cuisine et la zigne, franchement, appuyée comme ça pour que ça fasse des splouches jusqu'à temps que sa mère en ramasse dans un an. C'est sans dessin en calvaire. Puis aussi, les fans de couple à l'insertion sociale de cabochon, moi je me suis demandé, tu sais, le requin dans James Bond, là, il est resté sur la station, là, dans Moonraker, avec la petite Allemande, là. Comment vous pensez que ça va, le couple? Peut-être que Fred nous en parlera la semaine prochaine. Bah oui, c'est ça. Sinon, ben, notre folichon héros de ce soir est clairement de la deuxième famille et se nomme Pondo Sinatra. On va en parler plus tard dans l'émission de Pondo parce que ça va être mon spécial en assis. Pour l'instant, on va écouter la première séquence que j'ai découpée du film. Je n'ai pas gardé les temps. Je t'ai envoyé ça tantôt, mon Dieu. C'est à 30 secondes du début, ouais, on apprend vraiment c'est quoi le... La tonne des Bosscott. Il s'appelait Pondo, Pondo Sinatra. Tout ce que je sais, c'est qu'il est arrivé un beau matin au collège dans une camionnette pleine de pastèques. Je pense que déjà à cette époque, il avait qu'une seule chose en tête, sauter des filles. J'ai travaillé pendant 23 ans dans cette même école. Et j'avoue n'avoir jamais vu un phénomène pareil. C'était plutôt le genre raté. Il avait tout à apprendre. C'est bizarre, mais chaque fois qu'il sortait avec une de ses conquêtes, quand il en trouvait une, tout tournait à la catastrophe. J'aurais jamais imaginé qu'il deviendrait un sexe symbole. Studley était son meilleur ami. Lui, il avait un succès fou auprès des filles. Je me souviens, la première fois que je l'ai vu dans cette camionnette pleine de fruits, je me suis dit, quel clown celui-là. Mais finalement, avec le temps, j'ai découvert qu'il était un garçon très gentil. La seule chose qu'il n'avait pas en lui, c'était les filles. C'était son obsession. C'est vrai, je suis sortie avec Pando. Une fois. Et je n'ai plus jamais voulu recommencer. C'est un vrai cinglé. J'en ai entendu parler. Je peux vous dire que je n'étais pas toujours en bien. Et maintenant, il est renommé. Je n'arrive pas à le croire. Je crois que vous n'avez pas bien compris ce que je viens de vous dire. Pando Sinatra? Non. Il avait quelque chose de vraiment spécial. En fait, c'est pour ça que j'ai fini par le plaquer. Il était, comment je pourrais vous dire, un gros cochon. Tout ce bruit qu'on fait autour de lui, on a l'impression qu'il est devenu un mythe, vous ne croyez pas? C'était juste un garçon tout à fait ordinaire. Enfin, je veux bien reconnaître qu'il était farfelu, mais c'était un garçon normal. Il paraît qu'il a été élevé dans une ferme, c'est possible. À vrai dire, il n'était pas si méchant. J'ai été sa première fille, et je lui ai tout enseigné. Ce serait plutôt à moi d'être célèbre, et pas à lui, salopard. Et donc, là-dessus, j'ai on a fait pas mal... pour qu'il s'intègre bien à la classe. L'introduction du personnage, on va y aller pour la suite. On va en reparler tantôt. Hein. Pondo, quel être. Sur douteux.tv, les manchères internationales, avec Bruno Corbin. Ça a sonné live. Bon. On va y aller tout de suite avec une première nouvelle qui vient de l'univers. C'est bien que tu te restreignes un peu. Non? Ouais, non, je sais. On s'éparpillait, là. Alors, Debassy Majumdar, un greffier de la cour de la couronne de Londres, a pris une nouvelle place où est-ce qu'on ne devrait pas regarder de la porn. Il a été surpris par le juge en train de regarder des images pornographiques pendant un procès pour viol. Ah oui, merci. L'homme de 54 ans a avoué que ce n'était pas la première fois qu'il regardait de telles images lors de son travail sur son ordinateur, qu'il faisait en général quand le procès est ennuyeux. Ouais, comme les viols. C'est ça. Fait que lui, il écoutait du porn. Ouais. Dans la cour. Pour se désennuyer. Exactement. Ouais. Une fouille de son ordinateur de travail a trouvé plusieurs recherches pour de la pornographie dans son moteur de recherche. Lors d'une fouille de son ordinateur personnel, on a même trouvé de la pornographie infantile. Yay! Mais oui, il y en a tout le temps une qui passe. Ouais, il n'y a pas écrit l'âge dans le front de la fille. L'avocat du greffier affirme que son client a souffert d'un AVC récemment et qu'il est possible qu'il ne soit plus capable de distinguer le bien et le mal. Ça, c'est rassurant. C'est une information qui est le fun à savoir quand tu es un greffier, mettons. J'imagine. Bon, en même temps, tu t'informes aussi. Ouais, ben ouais, tu veux dire, t'es rendu trop objectif par rapport au bien et au mal. Fait que là, ça marche plus. Ouais. C'est ça. Ah ben ouais. Tu peux plus avoir ta job. Il est rendu un soldat trop brainwashé, là. Il me fait peur. Ah ben ça commence. Ben, y'a-tu un vol de dépanneur? Ouais, ça s'en vient. Ok, dans une même ville où un vol de dépanneur s'est passé. Une élève de maternelle de 6 ans a été arrêtée, menottée et transportée au poste de police après avoir fait une crise de rage, lançant du mobilier, arrachant des items du mur et faisant tomber une bibliothèque, ce qui a causé des blessures mineures au directeur de l'école. Le chef de la police de Milledgeville, en Géorgie, affirme supporter la décision des policiers. Notre politique est de menotter tout le monde que l'on arrête et il n'y a pas de discrimination pour l'âge. La fillette a été accusée de voies de fait et de destruction de propriété, mais elle ne sera pas poursuivie car à ce stade-là, on fait de la discrimination pour l'âge quand même. Oui, quand c'est rendu là. Hey, mais messieurs les agents, la petite fille de 6 ans, hey, c'est quoi, mec, ils ont mis ça? Ils ont-tu comme mis la face à terre, un genou dans le dos? Voyons, Chris! Lâche tes crayons de couleur! Lâche tes crayons de couleur! La petite, on a perdu le contrôle, c'est la solution! Écoute, elle pitchait du mobilier! C'est ça! Ouais, écoute, c'est dangereux! Non, mais je veux dire, moi, je pense que toutes les enfants devraient être des blessures mineures sur des enfants! Amenez les baleiniers, Colis! Une autre, ça va. Ok, c'est bon, tu vas être content. Après avoir volé un dépanneur. Un homme de New Orleans en Louisiane a été arrêté à Fort Smith, Arkansas, après avoir tenté de cambrioler un dépanneur. Et les clients, armés d'une pince à hot dog, qu'il a pris dans le comptoir hot dog du dépanneur. René Jackson, 35 ans, était en état d'ébriété avancé lors de sa tentative de vol et ni les employés ni les clients qui le pourchassaient dans le dépanneur à l'aide des pinces ne l'ont pris au sérieux et personne n'y a donné d'argent. Après quelques minutes, il a demandé à l'employé d'appeler la police en leur disant qu'un homme était en train de cambrioler le dépanneur, qui était vrai, et ce qu'elle a fait. Lors de leur arrivée, les policiers ont constaté l'état d'ébriété de l'homme qui n'avait pas d'autre arme sur lui à part les pinces à hot dog, bien sûr. Il aurait affirmé qu'il était en chicane avec sa femme et qu'il ne se sentait pas apprécié à la maison, alors il voulait aller en prison pour pouvoir montrer à sa famille. Finalement, ben, on le sait pas. À ce niveau d'ébriété là, je pense qu'à un moment donné, les commentaires sont son mélange. Hein. Une espèce de Chantal le Paris. Le mal. Il voulait dénoncer la convergence. Ça faisait 4 dépanneurs qui faisaient la sphère. Ça va bien dans l'univers cette semaine, mon Bruno. Ah, il est un champion qui s'est attaqué un dépanneur. Hey, on s'en va vers Étienne en Assis, là, là-dessus. Là, ouais, ben avant, on va aller écouter un clip, mais c'est un clip que j'ai choisi. J'avais le goût qu'on sorte un grand classique qui me rappelle un peu mon adolescence. Donc, AC/DC, Highway to Hell. On écoute ça à www.tv. Écoutez comme il faut. La télé, c'est un band anglais, ça, finalement. Hein. Ils sont déménagés en Australie quand il y avait 8, 9, 10 ans, les frères Young. Je savais pas. Un Wikipédia, check. Leave me be. Keep on that instant in my stride. Hein? On avait amené des sandwichs au ballonné. Vous avez vu FX, notre collaborateur, qui est allé offrir des sandwichs au ballonné à des policiers, mais des policiers merci. Il y a beaucoup de gens qui ont dit non merci. Il faut dire qu'on avait fait des sandwichs sur pain blanc enrichi avec de la moutarde jaune fluo et une ou deux tranches de ballonné. Mais les sandwichs qu'on avait fait pour les policiers, on a fait bien attention à ne pas mettre de moutarde dedans parce que ils en méritent pas. Ils se débrouilleront. Là, ils ont du poivre, eux autres. Ouais. Oh! Assaisonner leur poivre. Et voilà, puis à leur goût, de leur manière, à leur façon. Là-dessus, générique des chats. Non, c'est Étienne. C'est, désolé. Ben oui. Colin, je pensais même Étienne, amène-nous à ton pays de l'audio où tout le monde a envie que, ouais, que ça finisse bientôt. Tout le monde a envie. Tu veux pas que ça soit les chats, je te jure que tu veux pas. Finalement, il n'y a pas de sortie. Ouais, j'ai hâte que ça finisse. C'est pour ça que j'amène mon DS. C'est pas avec tout ça. Bon, fait que voilà, c'était le jour de la Terre. On a parlé de la Terre, on a parlé de la pollution de la Terre, on a parlé de guérir la pollution de la Terre. Maintenant, de quoi qu'on pourrait parler? Pauvre pollution, faudrait la guérir. Eh oui. À la poubelle! Donc, ce qui nous reste à faire maintenant, ben, c'est de dire qu'est-ce que nous, au Québec, plus près de chez nous ici, qu'est-ce qu'on fait, nous, avec notre temps? Ben, on a un premier ministre qui a pensé à tout ça, hein, puis on en parle souvent, le plan Nord. Le plan Nord, mesdames, messieurs. Fait que j'ai décidé de faire un petit spécial plan Nord. Je commence par un band hippie franco-ontarien qui s'appelle Cano, en 1970, qui nous ont chanté Au Nord de notre vie. Donc, je passe, oui. Plan super. Au nord de notre vie. Ouais, là, je sais pas si ça joue. Mais non, non, ouais, je pense que non. Que joue, mon bridge. C'est supposé de jouer. Oui, ça va jouer. Là. Ah. Ils font un build-up, là. Voilà. Ah, sacrément Cano, hein? Cano. C'est pas facile, Cano. Ils sont un peu tripeux, là. De la terre, de pierre, de forêt. Comme ça, oui. Un accent franco, c'est très de la vapeur. Où t'es-tu? À qui on l'a dédié, celle-là? À Jean-Charles. Ah! Ah! C'est ça! C'est pas ça! Ah! Mais sérieux, moi aussi j'ai eu ça. Chaque fois que je suis obligé de sortir cet album-là, puis en plus c'est comme juste une géante track, là, faut que je coupe arbitrairement, puis là je dis ça, c'est la fin de la tune, puis c'est ouais, le début de l'autre. Ouais, ouais. Mais voilà, c'est ça. Parce qu'il y a, il y a un track listing en arrière de la pochette, mais genre ça l'arrête jamais. L'arrête jamais. Fait que là c'est toi qui dû de près. C'est un vinyle en plus, fait que ça doit être top de trouver des tunes. C'est pas évident. Ouais. Donc en tout cas ça, je pense que c'était au nord de notre vie. Mais là, eux autres sont en Ontario, ces gens-là. Fait que si on va au nord quand on est en Ontario, on tombe où? À Hearst. Bon, mais plus au nord, là. Le plus au nord que tu peux. Il y a la baie du Tom. Il y a la baie James avant. Ah, oh, James. La baie James, oui. Excuse-moi, James. Tu restais rendu loin. Je suis rendu loin. Puis là, il y a un rapport. La baie James, j'ai ici un magnifique album que j'ai apporté qui s'appelle Hop, clarinette à la baie James. La baie James est plus forte que la tienne. Donc là, ce qu'on voit, c'est que clarinette, c'est une goutte d'eau. Ah, et ouais. Le but de ça, c'est de raconter un peu aux enfants la magie de l'électricité et de nos grandes productions à la rivière La Grande. Puis, donc là, ça met en scène Froufrou, l'écureuil roux, un castor bègue intolérable, Clarinette la goutte d'eau, puis Tante Épinette. Qui arrête pas de se plaindre. C'est sûr, je vais adorer ça. Fait que là, ça, c'est une longue shot, ça aussi. Là. Il y a un tracklist en arrière. C'est mais qui? L'écureuil, c'est Froufrou, l'écureuil roux dans le coin. Nope, l'autre bord. Ok, non. Puis l'autre, c'est le castor bègue. Le castor bègue. Clarinette, la goutte d'eau et Tante Épinette qui se plaint tout le temps. Qui se plaint tout le temps. Fait que eux autres, là, l'idée, c'est que dans le fond, ce qu'ils ont à dire pour vrai, ça durerait probablement 5 minutes. Okay? Si, mettons, c'était moi qui le faisais, genre, ça s'arrêtait ça. Mais là, eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils rajoutent du l'histoire autour, puis des interactions de personnages, puis du pathos, puis des chansons à brûle pour point. Du pathos. Fait que moi, je vous ai résumé ça un peu ici. Donc, ça commence au début par l'arrivée de Froufrou, l'écureuil, donc, qui arrive en chanson. Essayez de deviner c'est qui fait Froufrou, l'écureuil, sans aller derrière la pochette. Je suis un écureuil volage. Écolier. Et il est connu? Il est connu, oui. Je ne suis pas toujours énormément. Dans quelle année, ça? Guillaume le Métivier. Non, c'est avant lui, là. T'as quelle année? Je sais pas exactement, mais Bernard Fortin, l'année qu'ils ont fait des barrages à Béthune. C'est lui qui fait Bibi. Yves Corbeil. Non, tout ça, c'est tout non jusqu'à là. Hubert. Gros Nigo. Hubert, là. Hubert Aquin. Ouais, non. Hubert de Troyes. Véronique Cloutier. Non, voyons, Titi, celui qu'on a interviewé, là, qui fait. Roméo Pérus? Ah, non. Je veux pas de la web. Bagagnon, non. Eh bien non, vous l'avez toutes pas trouvé, mesdames, messieurs, et sa chanson est terminée, donc je déclare tout ceci un échec monumental et je m'en vais, bye. Non, en fait, c'est André Cartier, donc, qui faisait André dans Passe-Partout. André! André dans Passe-Partout. Donc, c'est lui qui faisait l'écureuil roux, il parle beaucoup plus aigu qu'on est habitué de l'entendre. J'admets que c'était ouais, c'était impossible. Pas bien facile, ouais. Même en le sachant, tu sais, t'es là. Même ouais, en le sachant, je l'aurais pas su. La vie de Randem, c'est du Passe-Partout à chaque semaine, c'est, ben là, c'est par hasard. Non, moi, je savais même pas au début. Fait que là, bon, ça commence avec lui. Donc, Froufrou qui arrive. Puis là, il grimpe sur Tante Épinette. Puis là, Tante Épinette, elle bougonne après. Puis là, lui, il comprend rien. Là, en gros, chaque personnage a sa caractéristique. L'épinette, elle chiale, puis elle se rappelle du bon vieux temps qui était bien mieux avant. Ah. Puis l'écureuil, ben, lui, il est né, v'là deux mois. Fait qu'il est comme, il découvre tout, puis il est full émerveillé tout le temps. T'sais. Donc là, Tante Épinette, elle se plaint. Puis qu'est-ce qui est étrange, c'est que ce qu'ils ont voulu faire, c'est montrer aux jeunes Québécois c'était quoi la force de l'électricité, puis les barrages, puis tout. Puis le personnage de Tante Épinette, elle montre clairement tous les mauvais côtés de tout ça, sans que ça finisse par « ouais, mais ça a valu le coup finalement ». Fait que c'est weird un peu. On l'écoute un peu se plaindre ici. Là. Avant le grand dérangement, j'avais toute une colonie d'écureuils parmi mes branches. Et ça ne me dérangeait pas du tout. Oh, c'était le bon temps. Ah, qu'est-ce que ça veut dire, Tante Épinette, le bon temps? C'est vrai, l'écureuil. Tu es bien jeune, toi. Tu n'as pas connu le bon temps. Le bon temps d'avant le barrage. Avant le barrage? Quoi? Mais il n'a pas toujours été là, le barrage? Eh non, mais non. Quoi, Rébi? Avant le barrage, oui. Les choses étaient bien différentes. Oh, les beaux souvenirs. Qu'est-ce que c'est, Tante Épinette? Tes souvenirs. Ta gueule, Froufrou, ta gueule. Je sais pas c'est quoi ça va me dire. Me donner de te le dire. Ça va vraiment bien dans la tête de Froufrou. D'autres exemples, Tante Épinette qui se plaint encore? Je devrais être heureuse maintenant, malgré le barrage. Mais qu'est-ce qu'il t'a fait, le barrage, Tante Épinette? Ouais. Moi, je trouve que c'est un bien beau barrage. Pauvre petit Froufrou. Mais tu es ma famille. Tu es né le printemps dernier. C'est à peu près ça. Tu n'as pas vu le grand dérangement. La construction du barrage. Ouais. Oh, Tante Épinette, raconte la construction du barrage. Écoute, petit Froufrou. Oui. C'est pas aussi drôle que ça. Ça s'en vient. Peu, okay. Ils sont venus avec des camions, puis ils ont tué toutes mes amies. Ils ont transformé en papier pour mettre Marie-Mé. Ils n'ont pas tout écrasé. Tu es encore là, Tante Épinette. Enfin, ils ont écrasé bien des petits arbres le long de ce chemin que tu vois dans le bois. Et ce n'est pas tout. Non, dans le ciel, On a vu de grands oiseaux de fer. Oh, à des hélicoptères? Ah, je connais ça, on en voit de temps en temps par ici. Explose, Froufrou. Check la pochette. Froufrou, là, il sait pas c'est quoi des souvenirs, mais c'est quoi un hélicoptère, par exemple. Non. Ouais. Ben, il s'en souvient, là, maintenant. C'est étrange. Hélicoptère égale danger. Il connaît ses priorités. Non, mais il a l'air à trouver ça cool. Parlant de ça, je m'en vais samedi faire un tour d'hélicoptère. Oh, non, non, Étienne, non. OK, ben, on va le barrer la semaine prochaine. On a une image d'un hélicoptère, là. C'est là-dedans que je m'en vais finir. Voyons ici à l'écran un hélicoptère. Là, on a encore Tante Épinette qui continue à se plaindre, mais là, ce coup-là, avec de la musique est peurante. Bon. Quand est-ce que tu t'en vas en hélicoptère? Il y a de cela quelques saisons. Samedi, est-ce qu'on a le temps de se coter pour y acheter un parachute? Non, avant samedi. Non, nous, les arbres, l'eau... Ben non, ça explose, t'en rends jamais compte. Nous vivions dans la paix et dans l'harmonie. Il y a seulement celui-là qui a des yeux et une bouche. Mais un gros oiseau de fer regarde dans longtemps le ciel en bourdonnant. Il a laissé tomber quelques animaux à deux pattes avec des tas de colis. Des animaux à deux pattes? Pendant que certains animaux à deux pattes faisaient des mesures, des kangourous, d'autres se sont mis à couper des arbres. Des vélociraptors. C'était bien triste. Fait que finalement, moi, je suis pas convaincu que c'est super le fun, tout ce projet-là. Avoir su, j'aurais pas voté pour ça. Mais là, arrive le personnage le plus intolérable de tout ça. Je pensais que c'était dur, là, mais... Le castor! Le castor bègue, qui fait que tout dure deux fois plus longtemps. Moi, d'après moi, ils ont décidé de le mettre bègue parce qu'il y avait rien que la moitié de du matériel. Puis si on dit qu'est-ce qu'on va mettre sur la face B, ben, tiens, mets le castor qui est bègue à la place. Puis voilà, ça marche. Plus longtemps! Plus longtemps! Plus longtemps! Au beaver, you're yes! Checkez bien ça, on a le castor qui arrive ici. Excusez-moi, messieurs, dames. Je vous écoute discuter depuis tantôt. Puis-je me permettre de vous offrir mes services? Puis quel comédien? Je pourrais vous fournir tous les renseignements que vous voudrez. Je m'y connais en barrage. Mais qui êtes-vous donc? C'était avant ou après entre chiens? Yeah! Je suis le castor bègue. Bègue! Je prends trop de temps quand je parle. Hey, savez-vous que les castors, à part l'être humain, c'est l'animal sur Terre qui a le plus d'incidence sur son écosystème? Plus d'incisive également. Oui. Oh! Est-ce qu'on est pédagogique? C'est fou. On en apprend tous les jours. Ici, on a le castor qui prend 30 secondes pour bégayer, pour expliquer qu'il bégaye pas. Vous avez... bien compris, mademoiselle Clarinette. C'est que tu expliques très bien les choses, ami Castor, même si tu bégais un peu. Je ne bégais pas. J'hésite de temps en temps. C'est tout. Puis là, je conclue avec ça, mon bloc clarinette. On a le Castor qui ralentit le processus pendant une minute pour ne pas vraiment expliquer finalement c'est quoi des turbines et des génératrices, aidé par le reste de la distribution, dont l'écureuil qui se met à bégayer. Ah, lui, bizarre! On n'installe pas des turbines ni des génératrices au centre de la tête de la Terre sans bousculer un peu le paysage. Qu'est-ce que c'est des turbines et des génératrices? Ne te moque pas de monsieur le castor. Mais ce n'est pas de ma faute. C'est plus fort que moi. Excusez mon ignorance, monsieur le castor, mais je ne sais pas moi non plus ce que sont les machins. Vous savez, les turbines et les génératrices. Mais ma chère, c'est très important, les Fait que tout ça, c'est ce qui va se turbine passer. Turbine et les génératrices. C'est même ces machins-là qui forment le cœur de la centrale. Ils font comme un backflip, puis là, leur queue a fait plac. C'est pire qu'un gun. Ça fait du bruit. Il y a quelque chose de dangereux. Voilà. La télé éducative. Parce qu'il bègue. J'ai hâte vraiment que ça arrête, Étienne. Ça arrête. Non. Mais ça reste mon préféré, le castor. Le castor, ça y a pris une minute là pour nous parler des turbines et des génératrices, puis au bout de ça, on n'a aucune idée encore c'est quoi. Puis là, finalement, la face A finit là-dessus. La face B après la barre encore plus, mais là je vous en fais un grâce. Montage de la face B. La semaine prochaine. Oui, oui. Si je survis à mon hélicoptère. Et que ça arrivera pas. Moi je pense qu'on devrait trouver un autre DJ. Ouais. Non, vous avez l'album. Star, là, arrangez-vous. Ton fils va être avec toi dans le Toute ma famille va être là. Il n'y aura plus de descendant à rien. Il va rester juste le chat. Le chat. On va pouvoir danser. Oui, oui. Bonjour. C'est l'heure de la chronique chat. Oui, bien. Alors, je suis de retour encore pour les mesdames. Il crie très fort pour avoir la chronique. Je tiens qu'à dire, est-ce que vous avez vu hier ce qui s'est passé? À part avec les chats? Le gala artiste. Le tapis rouge. Moi, j'ai vraiment adoré. Là, j'étais dans ma famille, fait qu'on avait le camp. Puis j'ai vraiment aimé ça. J'ai remarqué trois choses particulières. La première, c'est que tout le monde se plaignait comme quoi qu'il faisait frais. Tout le monde. Il faisait froid. Chris faisait frais hier, c'était vraiment pas cool. Moi, là, pour vrai, là, faisais-tu hier? Tabarnan, j'en reviens même pas encore. Deux, le monde est beau. Et trois, Guillaume le Métis Vierge est habillé exactement pareil comme quand on l'a vu à la manifestation. Pareil. Guillaume, je suis pas fier de toi. Guillaume, on aurait pu aller changer, tu sais, prendre ta femme était bien plus pour aller voir pour devenir une douche, tu veux dire. Ouais. Sur ça. Guillaume le Métis Vierge qui est connu pour être le matou, là. Ouais. Danser avec les chats. Et voilà. Ouais, t'as manqué ça, puis ça l'arrivera plus. Ah ouais. C'est bon, vas-y, Andy. Correct, tu l'as manqué. Sauf le temps qu'il fasse. C'est quoi qui a manqué? Non, moi j'écoute pas. Le chat de Daphné s'est révélé capable de répondre à ses états émotionnels. Quand ça va mal, je me console souvent en chantant et dansant des comptines, comme à l'école. Je l'aime, ce volume. Minstral a toujours été très attentif lorsque j'étais déprimé. Il était donc inévitable, j'imagine, qu'il finisse par se joindre à moi. Aujourd'hui, nous avons dansé Humpty Dumpty, tiré d'Alice au Pays des Merveilles de Lewis Carroll. Et Ding Dong Bell, quelle que soit mon humeur. Minstral fait un œuf chancelant à souhait. Et dans le puits, il est parfait. À travers la joie de la danse féline, Daphné a pris conscience de notre connexion spirituelle avec les animaux. Et elle ne mange plus de viande. Elle ne mange plus de chat. On ne peut pas communier avec les animaux et les manger, dit-elle. Je m'évade du quotidien par la danse et j'en reviens inspiré. Alors, on se transporte dans le monde merveilleux de... Ah oui, on a... Séléna! C'est beau, Bruno, t'as fait! Deuxième. Ah oui, ramène-nous dans le monde des chats. Lorsque Séléna, la fille de Sue, qu'on va voir dans une chronique plus tard, danse avec Zoot. Elle adopte par moments, comme guidée par lui, des positions assez incommodes et soudain pétrifiées. Le chat réagit à ses postures figées en sautant par-dessus et autour d'elle. Comme si sa brusque immobilisation était à la fois surprenante et inattendue. Sue décrit ces instants comme une interaction très ludique. La communication entre chat et enfant semble avoir lieu à un niveau inconscient. Bien que Séléna réponde directement au mouvement de queue de Zoot, la queue des chats, à la différence de celle des chiens, est incroyablement sensible, traduisant les nuances les plus subtiles de l'humeur et de l'intention. Séléna est apparemment capable de lire ces signaux. Capable de lire dans les queues. Les chats veulent voler comme les filles. J'adore le roundhouse kick de la petite. Là. C'est comme ça qu'il est mort, le chat. Oui. Zoot et Oscar, un autre chat, ne dansent jamais en même temps avec Séléna. Chacun attend son tour. Oh. Essayant ensuite de surpasser l'autre par des bonds de plus en plus frénétiques et élevés. Séléna, soutient simplement qu'il fait le folie avec les filles. Elle ajoute, les gens ne mangent jamais les filles, sauf quelquefois par erreur. Ah bon? C'est bon. Un autre? Mon dessert. Vous allez l'aimer, lui. Je l'adore. Avec trois astuces. Cave qui danse avec le chat puis un photographe. En dansant avec une queue postiche, Fred devient un prolongement psychique du chat. Oh non, pas lui. Oh oui, excellent. Je partage sa grâce, son pouvoir et son union avec l'univers. Je suis intimement lié à Fluff et à tout le spectre de la gestuelle féline. J'en viens même à regarder les oiseaux de nos oreilles. Ils ont l'air appétissants. La queue stabilise le corps et rétablit l'équilibre psychique. Que ce soit du maquillage ou des beaux collets filets, là. On l'a pas fait la semaine passée. T'en sors pas. Non? On l'aura jamais assez fait. Ouais, c'est ça. On peut le faire à chaque fois. C'est ça. Chaque semaine, alors, ben, c'était ça. Merci beaucoup, c'était pas beau, mesdames. Andy, c'est très, très ambigu. Toujours pas essayé de penser comme ça, mais ça me ressemble. Calice. J'étais en sarco, Colin. Mon cher ami Dieu, est-ce que tu veux mettre le long métrage qu'on est supposé écouter ce soir dans cette ville du Québec au deuxième temps que je t'ai donné? Je pense que c'était à 55. Là, on a compris que le héros avait un problème avec sa virilité et qu'il y avait une trame sonore cool qui le suivait, même s'il était couché dans des melons. On a compris que c'était un film folichon, quelque chose qui axait vers les plaisirs subtils et très ratissés. Maintenant, on va apprendre le nœud du film, parce que tout le début du film, il se met les pieds dans le plat, puis à un moment donné, là, sans alors, être trop, tu dois t'en aller. Oui, c'est vrai. Laisse tomber toutes ces cochonneries, je vais les nettoyer. Non, c'est pas la peine, c'est moi qui ai foutu le bordel, je vais le ranger. Okay. Salut Chloé. Si vous la reconnaissez, c'est elle qui disait tantôt. C'est que c'est elle qui a tout appris. C'est ça. Ouais. Comment ça, moi, je suis pas célèbre? Les produits chimiques, les produits chimiques. Non. Ouais. Ça fait beaucoup de bruit depuis un match. Les produits chimiques, Chloé, gros plan. Réduit, chimique, Chloé. Je suis le montage. Ah! Le montage, Kondo? Il veut quoi? Tais-toi et embrasse-moi. Ok, fait qu'elle est découverte. Arrête! Ça n'a jamais été fait dans aucun film pour moi. Ça, c'est pas grave. Avec du nouveau. Oui. La série qu'ils ont inventée. C'est ça? Tu veux bien ça? C'était merveilleux. Je sais. Là, on a eu comme l'ellipse qui nous a skippé. Après, on a des flashbacks. C'est vraiment ouais. Qu'on vient juste de skipper. C'est pas ça compliqué. C'est juste pour dire ouais, qu'on joue. Ouais, c'est vrai, c'est une drôle d'idée, ça. Attends, ouais, quand même. Ouais. De cette cochonnerie. C'est drôle, comme idée. J'en ai pas une minute. Mon linge une fois. Ben, c'est correct, on va pas le mettre ça à l'envers. Ah ouais, puis ça va disparaître, là, genre, comme, immédiatement. Je vais te montrer de quoi est capable le plus grand donjon du monde. Le grand donjon du monde. Ne t'avise plus de me toucher! On comprend voilà. Que le parallaxe a été... Mais qu'est-ce qui te prend? Chloé! Je sais qu'elle, qu'elle soit excitée aujourd'hui aussi, avec un éclat. Ouais, j'avoue. C'est la réaction par défaut ouais. À toutes, là. Là, t'as raconté Chloé. Non, non, continue. Check bien. Oh. Ah! Non, check. Un peu plus de flubber. Qu'est-ce que c'est que ça? Ce qui arrive, c'est que nous autres, il faudrait qu'on savait que c'était un film folichon pis qu'il était pour arriver de quoi, mais lui... Il est pas encore. Il vient de comprendre. Non! Ah ben, sauf Elbow! Fait que là, il va virer de bord. Elbow! Jette pas l'affaire que je me rappelle plus comment le faire. Et puis là, il est tellement horny, pis c'est ça la vie. Non, je t'assure que je préfère tout nettoyer moi-même. Allez, c'est quand même un papier réveillé, mais elle m'a dit voilà. Pour le vider. Ouais. Checkez bien comment il va réagir. Là, il y a le. Ou si j'aurais fait ça, je vidais des bottes. Est-ce que j'ai réussi? Je me demande si. Attends, est-ce que c'était ça qu'il voulait faire? Ben, il voulait faire le ménage. Et il dit, est-ce que j'ai réussi? Moi, je croyais que je n'y arriverais jamais. Et il y avait collé à la chatte avant. Fait que, j'ai la formule! Je l'ai trouvé! Elle part! Stanley! Je l'ai trouvé! Elle va le boire! Il va devenir une espèce de Frankenstein de l'amour possédé par le charisme. Et tous les volets qu'on a vus dans le début du film ben, vont être revivus avec les mêmes filles, à peu près dans les mêmes settings, filmés la même journée, mais autrement. Ben, c'est comme Dr. Jerry and Mr. Love. Finalement. C'est pas mal ça. C'est Dr. Déjà Vu and Mr. Cabochon. C'est ça. Ça va être très, très cocasse d'un bout à l'autre. J'ai encore un petit bout de texte là-dessus parce qu'on va parler de notre folichon de héros, Pondo Sinatra. Pondo, c'est la première et seule et unique fois de la vie que j'ai entendu un gars qui s'appelait Pondo. Pondo, ben ouais. Pondo. Donc, non, mais Ince Pondo Sinatra, nul ne sait d'où il vient, nul ne sait quel est son problème avec le karma. Ce qui est sûr, c'est qu'il a nullement son égal pour se mettre les pieds dans les plats. Quel bout en train il fait quand il cherche par tous les moyens du livre à perdre sa virginité? Faut le voir ajouter maladresse et oubli à l'impertinence constante qui le rend si gaillard et attachant malgré tout. Tellement attachant que l'on en vient d'apprendre pour lui dans ce lourd combat que chaque homme a à vivre contre sa virginité. Quant aux femmes, elles sont ici celles de tous les folichons, soit une grosse laide frustrée qu'on devine lesbienne et qui représente l'autorité, soit plusieurs jeunes, jolies, dénudées, influençables, faibles, sexuellement attirées par le viol, connes, stridentes et très volubiles. Un excellent long métrage ce soir du folichon première catégorie. On reconnaît ici notre ami Pondo Sinatra qui vient de se caler des produits chimiques. On ne sait pas pour quelle raison. Et là-dessus, Bruno, ça va être à ton tour. Ça va être à mon tour. Sapristi, puis t'es chanceux parce que pour faire des nouvelles, t'as Pondo qui va t'accompagner ben dans ouais, un montage de métage de filles. C'est le rêve de tout le monde. Alors, d'accord, on va faire les deux dernières nouvelles de la soirée. Michael Baker, 20 ans, fait face à des accusations de vol après avoir siphonné de l'essence d'une voiture de police dans la ville de Jenkins, au Kentucky. L'accusé s'est fait photographier par sa copine pendant l'acte, sans manquer de se faire photographier en faisant un finger, là. Comme ça, pour être sûr qu'on était sûr qu'on savait que c'était lui. Et il l'a posé sur son compte Facebook. Après avoir obtenu la photo qui avait commencé à circuler dans la ville, le département de police de Jenkins a arrêté Baker lundi dernier. L'homme qui attend son procès a retiré la photo et s'est plaint de ses problèmes légaux sur son compte Facebook, affirmant qu'il était allé en prison à cause de Facebook. Oui, évidemment. Bien sûr. Oui, c'est voilà. Sûr. C'est Facebook qui est le problème. C'est là. Oui, voilà. Dernière petite nouvelle ici, la semaine dernière, Mohamed Hachan, commandant taliban soupçonné d'avoir planifié au moins deux attaques contre les forces de sécurité afghanes, est entré dans un poste de police de la ville de Sarhawaza, qui a arboré une affiche d'avis de recherche pour lui, avec une récompense de 100$. L'homme a alors demandé d'obtenir les 100$ pour s'être trouvé lui-même. Les policiers perplexes devant les motifs d'Hachan l'ont arrêté sur le champ. Lorsque les soldats américains sont arrivés afin de confirmer l'identité de l'homme, il s'était présenté afin d'obtenir des frais d'intermédiation. Là. Il est un petit peu incrédule. L'ont alors interrogé en lui demandant si c'était bien lui, et il a répondu de façon extrêmement enthousiaste. Oui, oui, c'est moi! Est-ce que je peux avoir ma récompense? Il pensait que c'est un jeu. Hey, ça devait être beau ce moment-là dans la vie. Certains croient que cet événement est un signe que l'insurrection bat de l'aile et manque de ressources. D'autres croient que c'est un événement isolé qui est causé par un pauvre intellect d'un seul homme, ou comme l'a affirmé un haut fonctionnaire, ce gars est l'équivalent taliban des voleurs dans Home Alone. Très belle référence. L'équivalent taliban des voleurs, ouais, ouais, ouais. Ils ont couru après. Merci beaucoup, Bruno. Ça fait plaisir. Il fallait dire Benoît, ça n'a pas rapport, ça. C'est Bruno, toi. C'est qui Benoît, ça? Fred, chaman? Ah, c'est qui Benoît? Je sais pas, on en connaît plusieurs. Chaman. Iconique chaman. Ah oui, tout à fait. Chaman. Chaman. Sont la vérité. Sont la vérité. Oh, c'est, on sait que c'est un vrai, là. Tu t'en écriras pas, là. Ah, oui. Chaman. Merci, chaman. Chaman. Chaman. Grâce à toi, mes proches sont de retour. Ma relation était détruite à cause de mon amie qui était amoureuse de mon époux. Elle était obsédée par lui et elle a jeté des mauvaises énergies sur nous avec la complicité d'un médium africain. Ça, c'est Abdouli, médium africain, qu'on a connu. La guerre de religion. Afin de détruire notre harmonie familiale. Urk. Ça finit de même. Ok, mais chaman. Témoignage réel. J'étais amoureuse de mon collègue de travail. À son retour de vacances des Caraïbes, notre relation a complètement changé. Il était malade et il est tombé dans une profonde dépression. Il comptait rentrer dans son pays sans aucune raison. Enfin, notre boss a pratiqué de la magie noire afin de nous séparer car il s'intéressait à moi. Merci, chaman indien, pour ton moment. Chaman indien. Sauver la coupe du gars qui est allé. Chaman! C'était Rachel qui remercie le chaman. Ben merci. Chaman! J'ai oublié de l'apporter cette semaine, mais en fait, j'étais allé aux toilettes au bois. Toilettes! Croyez-le ou non, dans les toilettes du bois, il est gravé. Il est gravé sur le mur, chaman. Chaman! Donc, je vous apporte la photo la semaine prochaine. Fait que t'as fait C'est pas moi! C'est pas moi! Ouais, c'est louche. Tandis qu'on a ta confession sur tape. On a des fans de chaman. Chaman! Je vous encourage tout le temps à aller voter au www.2.org. Merci beaucoup à Bruno. Allez, quelqu'un. Merci à Andy. Merci au chat. Merci à Dieu. Merci à Boudreau. Merci à Fred Fournier et aux journaux gratuits. N'oubliez pas de les ramasser parce que sinon, c'est un investissement sur lequel vous n'avez aucun retour. Et on a l'excellent Étienne Forêt qui commence son show cette semaine, lundi prochain. Le 8 mai, en fait. Le 8 mai, juste voilà. Juste après ta mort, c'est ouais, ça? Ben j'ai filmé 3 épisodes en avance. Fait que vous aurez au moins ça en mémoire de moi. C'est vrai, il s'en va en hélicoptère. Faisant plein comme ça, on en aura longtemps. Ouais, il me reste une semaine pour ça en faire d'autres. Ça va être DJ Vidéodrone. Là. Puis là, je pourrais en commencer un par « Si vous écoutez ceci, c'est que je suis mort. » Là, je vous apprendrai à vous raser et des affaires de même. Là-dessus, c'est Tommy Godette au micro qui vous rappelle que vous connaissez rien si vous écoutez pas la Despotèque les dimanches. Puis sinon, c'est dimanche toute la journée. Oh, ouais, je prends possession des ondes, puis on met des longs métrages, des affaires intelligentes. Ouais. Là-dessus, c'est assez d'autopromotion. Vous êtes sur les ondes de douteux.tv. La télé de l'amour. L'alternative de l'alternative urbaine. On écoute Party Animal dans pas long en attendant, c'est pas campus à vous dire tout de suite. Still see there's some love. À notre prochain rendez-vous.